Bien, bien. Si yon kave ye dripa pa pose Non kave moun pale sou nou La de moun kompran pa wal pa soufi Sa se pa wal ti de gekri Ye moun pa ke peti jounen Mwen men mwen pa peti jounen pa Imbesil se sot ki pa bay Devan pot tounen de ye kay Moun an kampe la brigade Ou se zafè ou la fè Mwen pap toune manje pa le mam nan. La kritike te, ou met kritike. Ou pa konen mwen, ki men la kay la. Men kay la kay mwen, ou met kritike. Men la difisil. Merci beaucoup.